Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107FM. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle édition de votre émission sur l'histoire du cinéma intitulée La Christoire du cinéma. Je m'appelle Chris et je serai votre hôte aujourd'hui pour cette émission. Comme je vous l'avais promis lors de la dernière émission, après avoir parlé de la première partie sur le cinéma d'animation, où nous avions abordé les origines du style d'animation, les croyances qui l'entourent et les origines de la représentation du mouvement notamment, nous allons parler aujourd'hui de ce que nous appelons les diableries, des appareils utilisant des dessins ou photographies sur papier et de l'appareil qui utilise des photographies transparentes, et ceci sera donc la deuxième partie. Commençons tout de suite par ces fameuses diableries. À partir du XVIe siècle, se mit en place un procédé qui s'améliorera et se perfectionnera d'un siècle à l'autre. La projection sur un écran de figures dessinées sur du verre que l'on pouvait animer par diverses manipulations. C'est la découverte de ce que nous appelons la lanterne magique, qui est l'ancêtre des appareils de projection et plus particulièrement du projecteur de diapositives. Cette lanterne magique fut inventée par le père Athanas Kircher en Allemagne et par le père Deschal en France. Cet appareil sous-entendait la mise au point de la lentille optique capable de focaliser une image sur un écran. L'adaptation des ombres chinoises à la lanterne magique était une première possibilité d'animation de la scène. Une autre et nouvelle possibilité était de faire se succéder deux figures différentes à l'aide d'un couple de lanternes magiques dont la projection passait de l'une à l'autre grâce à un volet coupant l'un des faisceaux lumineux tout en découvrant le second. Et c'est cette possibilité qui donna l'idée à Georges Méliès du fondu enchaîné. Les images projetées étaient choisies pour leur côté mystérieux ou surnaturel, car les projections des premières lanternes étaient très peu lumineuses et exigeaient un local plongé dans le noir le plus complet. Des sujets fantastiques comme des monstres, des diables ou des anges convenaient parfaitement à ces apparitions inquiétantes. Le public de ces projections avait tendance à y voir l'intervention des forces mystérieuses, à y voir une façon de rentrer en contact avec les forces du mal, d'où le frisson à la fois d'horreur et de jouissance au spectacle de ces formes qui naissaient du noir avant de disparaître et de se métamorphoser en une autre forme. À la charnière des 18e et 19e siècles, c'est pourtant l'abbé Étienne Gaspard Robert qui se vantait d'être en communication avec les esprits et de lire dans les pensées des gens. Il se vantait donc de faire usage de spiritisme et de télépathie. Étienne Gaspard Robert rencontra un immense succès en organisant de malignes fantasmagories, des rétroprojections qui faisaient apparaître, en divers points d'un lieu, même au milieu des spectateurs, des monstres ou des esprits qu'il venait d'invoquer. Cet abbé belge, spécialiste du paranormal, exploita donc la crédulité des personnes, mais en vérité, ses victimes, entre guillemets, avaient bel et bien payé pour avoir peur. C'est cela que nous appelons les diableries. Parlons maintenant des appareils utilisant des dessins ou des photographies sur papier, ainsi que de leur date. Entre 1825 et 1830, le tomatrope apparut. Il fut inventé en Europe par plusieurs chercheurs associés. Souvenez-vous, nous en avions parlé dans une des toutes premières émissions. C'est un petit disque pivotant sur lui-même, en bois ou en carton, qui était décoré recto verso de deux dessins différents que la rotation du disque, attachée par deux ficelles, associe dans une même perception. Je vous avais donné comme exemple l'oiseau et la cage qui, en mouvement, donnaient l'illusion de l'oiseau prisonnier de la cage. Pour donner un autre exemple, ils étaient également celui du glouton et du poulet rôti qui, en mouvement, apparaissait dans le ventre de l'animal. En 1832, apparut le phénakitoscope, qui fut inventé par le belge Joseph Plateau. C'était un disque rotatif en carton sur lequel étaient imprimés 12 ou bien 16 dessins qui représentaient les positions successives que prend un corps pour exécuter un geste. La vision du mouvement est obtenue par le spectateur en regardant à travers des fentes qui séparent chaque vignette l'une de l'autre le reflet du disque dans un miroir. Cependant, un modèle plus avancé comportait un disque solidaire du premier et présentait une série de fentes qui permettaient de se passer du miroir. En 1832 également, fut inventé le stroboscope par l'Autrichien Simon Stampfer. Le principe est le même que le phénakitoscope. En 1834, le zootrope apparut. Il fut inventé par l'Anglais William George Horner. C'était un cylindre rotatif à l'intérieur duquel on disposait sur son contour 12 ou 18 dessins séparés l'un de l'autre par des fentes. Le spectateur regarde l'intérieur du cylindre par les fentes diamétralement opposées au dessin. En 1853, le kinestoscope fut inventé par l'Autrichien Franz von Eucatius. C'était un appareil équipé d'une lanterne magique de projection qui projetait en alternance deux dessins donnant l'impression d'un mouvement. En 1868, le folioscope pointait le bout de son nez grâce à John Barnes Linnet, qui est un empilement de 20, 30, voire 40 dessins qu'on effeuille avec le pouce. En 1877, nous avons le praxinoscope créé par le français Émile Reynaud. ce sont 12 vignettes dessinées contenues dans un cylindre en rotation, sur la paroi duquel elles ne sont pas appliquées directement mais séparées l'une de l'autre, formant un angle ouvert entre chaque vignette. Elles font face à une série de miroirs fixes, donc un par observateur, sur lesquels on observe le reflet de chaque vignette quand elle passe à la perpendiculaire du miroir. En 1880, il y a le praxinoscope à projection qui fut adapté par ce même Émile Reynaud, d'après son praxinoscope théâtre. En 1880 également, le zoopraxiscope fut inventé par l'anglais Edward Muybridge, qui était un disque rotatif à 12 ou 16 dessins identiques dans son utilisation aux zootropes, mais qui est, lui, équipé d'une lanterne magique de projection. Pour terminer cette émission déjà bien fournie en informations, voyons l'appareil utilisant des photographies transparentes. Je parle du zoopraxiscope qui utilise des dessins ou des photographies sur papier, mais également des photographies transparentes. Étrange, n'est-ce pas ? Pourtant, l'explication est très simple. Le zoopraxiscope est équipé d'une lanterne magique de projection. C'est un disque rotatif de 12 ou 16 photographies sur plaque de verre, impressionné par le procédé de la chronophotographie mise au point par le français Étienne Jules Marais. Ce procédé est en fait une rafale d'instantanés photographiques. C'est ainsi que se termine cette deuxième partie sur le cinéma d'animation concernant les diableries, concernant les appareils qui utilisent des dessins ou des photographies sur papier et concernant l'appareil qui utilise des photographies transparentes. Lors de la troisième partie, que vous entendrez la semaine prochaine, nous allons enfin entrer dans le vif du sujet sur l'invention du cinéma d'animation. C'est bel et bien le but de la créhistoire du cinéma, mais il me semblait important de parler des prémices de ce style et des croyances sur ce style. Mais ne vous en faites pas. Dès la semaine prochaine, le cinéma d'animation arrive, donc ne manquez pas l'émission de la semaine prochaine. Comme toujours, je vous invite à nous partager votre avis sur ce nouveau numéro de votre émission, sur l'histoire du cinéma, sur notre page Facebook Radio Gemozo, en nous appelant au 03 29 62 40 40, ou encore à venir nous rendre visite à la radio, située à l'adresse 8 place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Mirmont. Nous serions ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. C'était Chris, prenez soin de vous, c'est le plus important, et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.